Je suis faible, tu es fort. Jésus, garde-moi demain. Je serai satisfait tous les jours comme je marche. Garde-moi près de toi. Oh, marche toujours avec toi. Tu es l'agneau, tu exauces ma prière. Exauce-moi, marche toujours près de toi. Oh, laisse que l'on soit ainsi, cher Seigneur, dans ce monde. Dans ce monde peine piège, en tombant que mes secours, qui m'aide à porter mon fardeau. À toi, cher Seigneur, seulement toi. Oh, marche toujours avec toi. Rédempteur Jésus, exauce ma prière. Exauce-moi, marche toujours près de toi. Oh, laisse que l'on soit ainsi, cher Seigneur, quand ma faible vie, expire, et mon temps ne sera plus. Toi, guide-moi, guide-moi en sécurité vers le rivage de ton royaume. Oh, marche toujours avec toi, Seigneur Jésus. Exauce ma prière, exauce-moi, toujours près de toi. Laisse que l'on soit ainsi, cher Seigneur, au marché, toujours avec toi. Quand tu es la même, Jésus, le roi, le Dieu vivant, marche toujours près de toi. Oh, oh, oh, oh, laisse que l'on soit ainsi, cher Seigneur. Dieu merveilleux et tout-puissant, nous nous tenons devant toi dans l'humilité, ayant autant de foi qu'il nous est possible d'avoir, croire au Dieu surnaturel, témoignant qu'il est le même, le vivant au siècle, l'immortel et l'immuable Dieu, riche en miséricorde, plein de bonté, toi, notre océan de bonté, le arbre de la paix, roi de paix, roi de justice, Dieu Melchisedec. Et ton nom soit sanctifié dans nos cœurs et dans nos vies, et dans cette église, ta présence soit manifestée, et que chacun le voie. Nous voulons identifier Dieu par ses caractéristiques. de la parole. Pardonne nos péchés, nos fautes, nos faiblesses, nos défauts. Il y a un secours de chacun. Il y a grandement besoin de toi. Car sans toi, personne ne peut rien faire. Par l'église de Dieu. Mais nous sommes persuadés que tu es le bras fort qui nous convient. Le grand appui. Le rocher des âges. Le rocher de notre foi. Parle à chacun. Selon ta vérité. Que l'évangile trouve l'impact dans la vie de chacun de nous. Pour donner gloire au Dieu vivant. Jésus-Christ le ressuscité. Que tous les démons soient boutés dehors. Que les ténèbres dispersées. Que la gloire de Dieu se manifeste encore. Pour reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. Que personne ne peut les défier. Aucun programme. Ni aucune divinité, ni aucun esprit, ni démon ou quoi que ce soit. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous croyons. Amen. Amen. Nous allons lire à présent la Sainte Parole de Dieu. Sa grâce. Dans Matthieu au chapitre 16. Nous prenons le verset 15. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous lisons encore un verset, le verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et nous terminons la première lecture dans 1 Jean chapitre 4. Verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir, bien-aimés, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Souhaitons à chacun bienvenue à la table de Dieu. La parole de Dieu est de nourriture et nous devons la manger avec appétit. Les hommes du monde disent que l'appétit vient en mangeant, et ça ne sert à rien de souhaiter à quelqu'un bon appétit, parce que s'il a l'appétit, c'est qu'il a l'appétit. S'il n'en a pas, il n'en a pas. Même quand tu vas lui souhaiter bon appétit, l'appétit qu'on lui a servi, il écoute. C'est comme une insulte, une provocation. Donc il aurait aimé manger vite et se débarrasser. Et ça n'allait plus loin. Imaginez ça. C'est comme les foufous qui a beaucoup d'ampoules là. Les ampoules blanches. Vous voyez quelqu'un là où lui a servi, c'est plein comme ça. Et, mais partout il y a des ampoules et des ampoules et des ampoules. Donc pour manger ça, il fait des calculs. Et maintenant toi aussi en passant, tu viens lui dire bon appétit. Donc bon appétit de quoi alors? Si tu savais ce que j'ai dit pour moi alors, tu veux me souhaiter bon appétit. Laisse-moi mettre un peu quelque chose là où il y a le vide dans l'estomac. Le reste, c'est Dieu qui s'occupera. Mais ne venez surtout pas lui dire encore bon appétit. Mais la parole du Seigneur est une nourriture. Oh, le Seigneur lui-même vous dit, venez. Voyez et sentez. Et goûtez. Combien le Seigneur est bon. Donc, je ne peux pas vous souhaiter bon appétit. Mais si vous êtes bien disposé, si votre terrain est bien préparé, vous ne pourrez qu'apprécier la parole du Seigneur. Voyez ça. Vous ne pourrez que apprécier. Ça ne peut pas se passer autrement. La parole est délicieuse. Et Dieu a dit, Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Vous délecterez de mets succulents. Écoutez-moi donc. En écoutant Dieu, vous apprécierez. Pas pour dire que c'est mal, mais pour dire que c'est bon. Dieu lui-même est très bon. Et alors sa parole est bonne. Quand nous l'écoutons, nous devons apprécier. Toi aussi tu aimeras. Oui. J'ai dit bon appétit. À la table 17. Nous bonne en anglais on a dit enjoy your meal. Enjoy your meal. C'est pela na molia na yo. Zala bomengo na molia na yo. Enjoy your meal. Ici nous on dit bon appétit en français. Bon appétit. Bon, ici l'appétit. Mais on dit réjouissez-vous de votre repas. Soyez quand même joyeux de ça. Tirez un peu de joie dans ce que vous avez à table là. Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Vous a dit vous délecterez de mes succulents. Ça c'est la vérité. Que vous aussi vous puissiez voir. Que vous puissiez goûter que le Seigneur est bon. Voyez, il a dit ici dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit au verset 2 et 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Amen. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez ça, ayez le besoin, ayez le besoin de ça. Il faut avoir goûté ça. Et conclure après avoir goûté. Le Seigneur est bon. Est-ce que toi aussi tu crois que le Seigneur est bon? En lui il y a que du bon. Dans sa parole, il y a de bonnes choses. Alors, nous avons lu dans Matthieu au chapitre 16. Jésus-Christ et connaître William Branham. Mais ce soir, nous revenons sur le discernement de l'esprit. Et particulièrement la nécessité de discerner les esprits prophétiques. Et c'est dans le cadre de trois questions de nous poser les trois questions. Servant entre autres à identifier le ministère. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons lu dans Matthieu 16, c'est là, après avoir dit. Je suis. Pour dire des hommes, qui suis-je moi le fils? Non, en fin de compte, il a demandé au sien. Et vous? Et bino. Que dites-vous que je suis? Bino, vous allez pour le bino. Et eux aussi, les croyants, les disciples, le peuple de Dieu, devaient donner leur réponse. Et Il ne devait pas tricher, copier la réponse d'un des groupes divergents. Et des groupes qui étaient tous sauf disciples du Seigneur Jésus. Et on pouvait dire tantôt une chose, tantôt une autre. Parce qu'ils n'étaient pas proches de lui. Mais ceux qui étaient proches de lui, il y avait une relation directe avec lui. Il devait connaître qui était lui. Et il devait mieux dire de lui que le reste du monde. Mieux savoir à son sujet. C'est eux qui devaient donner la meilleure réponse. Amen. Amen. Mais de tous les groupes, il n'y a eu qu'un seul droit. Un seul de l'homme de qui on ne pouvait pas attendre quelque chose comme ça. Qui était habitué à toujours déplacer le langage. À toujours dire quelque chose de déplacé. Malheureusement, c'est lui qui lève les doigts à cette occasion. Et vous, qui dites-vous que je suis? Moi, Seigneur, moi. Il ne pouvait aussi dire. Mais tu as déjà entendu. En quoi de nous dire dans les réponses que nous avons données, il y a une chose qui est fausse. Nous avons répondu. Ce qui s'est raconté là, c'est ce que nous avons entendu. Et donc, c'est ce que nous connaissons. Mais la Bible n'est pas d'accord. Nous voulons nous dire quoi? Comme un jour, quand le Seigneur a demandé, et qui m'a touché? Hier, encore, les mains et les doigts. Tu vois bien que tout le monde est touché. Tu vois que c'est Pierre. Un jour, le Seigneur se lève et dit, le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs pour le maltraiter, ils le mettront à mort, et le troisième jour, il ressuscite. Pierre le tire à il interrompt même la prédication. À Dieu le plaît. Je suis obligé de lui dire, arrière de moi, Satan. Et c'est ce genre d'homme qui a levé les doigts. Allez, tout le monde préparait ses oreilles à un scandale. Il va encore dire quelque chose qui va trouver. Dans l'église, il y a toutes les catégories. Ça peut vous aider à vous supporter les uns les autres. N'allez pas dire, mais pasteur, pour n'y pas fait ce qu'il a. Frère Wana, mais il faut, il faut, mais Pierre était ce genre de frère. C'est même à lui que le Seigneur a confié la responsabilité. C'est lui qui paraissait lui manquer du respect. Mais c'est à lui que le Seigneur confie la responsabilité. Les voix de Dieu ne sont pas celles des hommes. Si c'était un politicien, il n'aurait jamais choisi Pierre. Parce qu'il y avait beaucoup de gaffes. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il a placé en chacun. Êtes-vous là? Et son esprit conduit merveilleusement le Seigneur. Croyez-vous ça? Écoutez, parce que des frères ici. Que Dieu nous aide, hein? Dans le sermon, c'est lui qui est en vous. Les paragraphes 234. C'est prêché le 10 novembre 1963. C'est lui qui est en vous. Oh! Eh bien, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Voyez, il n'y a pas moyen, vous ne pouvez pas. Écoutez, du moment que Satan peut prendre possession, il va vous faire croire n'importe quoi. Que Dieu nous aide à ne pas être pris en possession du diable. Il s'empare pas de nous comme il s'est emparé de Pierre. Faut que le Seigneur a parlé sans embâche. Il est venu utiliser la bouche de Pierre pour dire au Seigneur que le plan de Dieu ne va pas s'accomplir. Et que le plan de Dieu qui est prévu là qui ne veut faire souffrir le Fils de l'homme, n'allez pas plaire à Dieu. Mais comment Dieu peut concevoir un plan et cela ne lui plaît pas? Mais c'est impossible. Dieu prend plaisir à ses voix. Quand il a décidé d'une chose, lui qui est infiniment bon et parfait, c'est que la chose décidée est bien pensée. Dieu prend plaisir à ses voix. Il se plaît à sa parole. Il se plaît dans sa volonté. Il n'y a rien qui va de travers là. C'est quand le diable entre. Un truc d'incrédulité s'égrise. Il y a quelque chose qui nous cloche. Là-dedans, il y a rien, ça ne va pas. Et il vous montrera tous mes défauts. Le diable. Il vous montrera tous mes défauts. Le peuple d'âme qui parle, elle se pourrait vous dire la même chose. Vous voyez, tant que le diable prend possession de nous, il est capable de lui montrer tous les défauts de nous. Et de ne l'accrocher qu'à ça. Comme si dans cet homme il n'y a rien de bon, dont on peut parler, dont on peut témoigner. Il va l'accrocher qu'au défaut, rien que les défauts, ça deviendra le cheval de bataille. Le principal de réflexion, de méditation, de discours, rien que les défauts de telle. Qui enlève? C'est le diable. Car Jésus-Christ, même dans le serpent, qui était l'incarnation du mal, Jésus-Christ a trouvé une qualité. Jésus-Christ a pu parler de la prudence du serpent. Je vais vous donner ça en exemple. Savez-vous qu'il est écrit que soyez prudents comme les serpents? Mais ailleurs, il a maudit les gens. Race du père, bande de serpents. C'était le mauvais, la chose maudite. Un jour, le même Seigneur dit, soyez prudents comme les serpents. C'est-à-dire, dans ce que Dieu a créé, même si le mal est entré quelque part, même si la perversion a pu accéder, il y a toujours un reste de bonté. Et nous, en tant que des gens spirituels, chrétiens qui avons l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous devons nous concentrer sur le bien des autres. Amen. Frère Nam nous dit, la véritable manière c'est de cacher tout ce que vous savez de mal chez votre frère. Ne parlez pas de ces mauvaises actions. Parlez seulement de ces bonnes choses. Amen. Si vous ne trouvez rien de bon quand il faut parler, alors intéressez-vous à son sujet. Croyez-vous son message? Pouvez-vous le pratiquer? Pouvons-nous devenir spirituels pour attirer plus le Saint-Esprit dans nos vies et qu'il vienne utiliser notre bouche à travers les dons parfaits qui vont par l'amour une des manières, c'est ça. Mais quand vous vivez mais comment voulez-vous progresser avec Dieu? La même chose là parle du mal des gens, et la même chose Dieu va l'utiliser encore. Ça ne va pas marcher. Il même sur son père voir deux toi c'est l'eau amère, toi c'est mais soyez l'un ou l'autre. La même bouche que Dieu doit utiliser, c'est la même bouche qui est libre au péché. Là, ça ne va pas. Nous devons nous consacrer tout entier à Dieu seul. Et uniquement aux bonnes choses. Vous connaissez l'adage de les images des trois singes, non? On a fait ce tableau là des trois singes. L'un a pris ses petites pattes, les mains, il a mis. Et l'autre a pris les deux pattes, il a fermé ici. Et le troisième singe a mis ici, dans les deux. Là, là, là. C'est-à-dire, ne dis pas le mal. Avec ta bouche. Ne dis pas. Ne dis pas le mal. Cache le mal. Bumba si la tentation vient pour que tu dises le mal. Ah. Ne parle pas. Ferme la bouche. Kanga deuxième singe. Ben. Ne regarde pas le mal. S'il y a des vidéos, des émissions, voilà, et tout, sale, essuyez. Ferme la tension. Si la tentation vient pour t'amener à regarder, ferme les yeux. Même en te servant des mains, ferme. Normalement, les yeux peuvent se permettre au bâtiment de main. On n'a pas besoin des mains pour t'amener. Même la bouche aussi. Attends mon oco. C'est comme ça. Je ne sais pas. Il n'y a pas de mots qui sortent. Quand vous voyez qu'on doit renforcer avec les mains, c'est-à-dire que tu dois te faire violence. Le royaume des cieux est forcé. Dans de violence pour rien. Le mal vient avec pression. Toi aussi, use de violence contre toi-même pour imposer le bien au mal de ton corps. Pour imposer la pratique. Pour à chaque membre de votre corps, à la bouche, pour ne pas dire le mal, et qu'elle s'ouvre quand il faut dire le bien. Aux yeux, pour ne pas regarder le mal, ne pas voir le mal, aux oreilles, pour ne pas écouter le mal. Ça vient même quelqu'un, c'est un ami intime qui veut le dire. Ferme les oreilles. Bouche, bouche là. Écoutez. La Bible dit, si quelqu'un veut voir les jours heureux, hein, et prolonger ces jours-là, que doit-il faire? Ah, vous y êtes, hein? Je peux prendre le passage dans la parole? Si vous voulez des jours heureux, et vivre longtemps ici sur terre, la parole vous dit comment vous comportez. Oh oui, dans 1 Pierre chapitre 3, il est dit ceci, le verset 9 et 10, jusqu'au verset 12, verset 9 à 12, ne rendez point mal pour mal, ne rendez point le mal pour le mal. Ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Amen. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Afin d'hériter quoi? La bénédiction. Quand tu bénis, même ceux qui te maudissent, même ceux qui disent du mal de toi, apprendre à toujours les bénir, et ouvre la voie qui te permettra d'hériter la bénédiction. La bénédiction sera ton héritage sans effort. Un héritage est un bien pour lequel on n'a pas souffert. On n'a pas souffert, mais on en devient propriétaire. Parce que c'est lui qui en détenait la propriété. Et ça vous est laissé. C'est à vous. Vous venez comme chance et l'okopamba. On le continue à yokaka. Ou bêtise va causer l'eau. Pour hériter la bénédiction, bénissez au contraire, même ceux qui vous font du mal, même ceux qui vous injurent, bénissez-les et vous hériterez la bénédiction. Est-ce que nous comprenons? Il y a plusieurs moyens que la parole nous donne pour être béni. Il n'y a pas que payer la dîme. Ah, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous voyez, si je ne répandrai pas la bénédiction, je n'ouvrirai pas les églises, je ne répandrai pas les bénédictions avec abondance. C'est confirmé. L'Ephraim Nam dit que le paiement de la vie est une bénédiction confirmée comme telle. Ajouté de ça, c'est certain, tu seras béni. Mais il n'y a pas que ça. Le Seigneur nous apprend également bénir. bénir les autres. Ceux qui nous font du mal. Ceux qui nous maudissent. Ceux qui parlent mal de nous. Ceux qui nous haïssent. Et nissez-les. Et vous hériterez la bénédiction. Amen. Il y a aussi la méditation de la parole. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, ils sont bénis. Ceux qui lisent ce livre et qui gardent ce qui est écrit, ils sont bénis de la Bible. Si vous vous bornez que à payer la Bible, et tout le reste vous négligez, il y a quelque chose qui cloche. Vous n'êtes pas un disciple complet. Vous négligez aucune source de bénédiction. Une autre source. Dieu a dit que il fera d'Abraham une source de bénédiction. Et il bénira tous ceux qui béniront Abraham. Et une autre source. Il faut savoir puiser là-bas. Bénissez Israël et Dieu vous bénira. Bénissez la postérité d'Abraham et Dieu vous bénira. L'église du Nouveau Testament est aussi la postérité d'Abraham. Bénissez l'église de Dieu et Dieu vous bénira. Faites du bien à l'église. Faites du bien aux membres de l'église et Dieu vous bénira. La Bible dit, nous devons faire du bien à tous les humains, et principalement à nos frères dans la foi. Parce que pour nos frères dans la foi, il y a quelque chose de particulier lié à ça. C'est le serment que Dieu a juré à Abraham de bénir tous ceux qui le béniront. Oui, et ça. Qui a dit amen? Nous disons des fois beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions. Donc pour être béni dans la vie, il ne suffit pas que de venir faire du bruit à l'hôtel. Oh Dieu, bénis-moi. Il y a plusieurs manières que la Bible enseigne l'obéissance à la parole. Dans Deutéronome 28, il obéit au commandement. Il est béni au champ et dans la ville. Dieu a dit qu'il ordonnera à la bénédiction de l'entreprise. Si tu es un enfant obéissant, tout ce que la parole dit, ce que tu connais de la parole, pratique ça, et Dieu te bénira. Il te bénira partout. Ton gros et ton mené bétail seront bénis. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Ton champ, ta huche, ta bêche, ta houe, toutes ces choses seront bénies. La parole qui dit ça. Voyez que Dieu a mis plusieurs clés de bénédiction. Et nous devons aller à toutes ces portes ouvertes. On ne doit pas se contenter d'une seule et unique chose, jusqu'à se croire maudit et malheureux. Oui. Donc, ici il dit, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Voilà encore une autre porte de bénédiction. Abattez-la l'olemo na ye na oya ma be. La langue, ta bouche doit savoir quoi dire. N'est-ce pas qu'on dit à Lingala, munoko ebetisa mukongo fimu, la bouche là peut parler et on peut t'amener à des fouets. Parce que tu as dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Ton dos peut être écorché. Mais si tu veux des jours heureux, contrôle ta langue. Qu'il préserve ses lèvres des paroles trompeuses pour pas mentir par sa bouche. Verset 11. Il s'éloigne du mal et fasse le bien. Il recherche la paix et la poursuit. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors, ne dis pas le mal, ne regarde pas le mal, n'écoute pas le mal. C'est une façon de te protéger contre les mauvaises choses dans ta vie. Discipline-toi toi-même. Ce n'est pas impossible, même si tu es entouré et influencé par toute sorte d'esprit. Discipline-toi toi-même grâce à l'évangile que je t'ai donné. Et tu apprendras à bout de toutes les temps. La grâce de Dieu est en ta voix. Alors, je reviens à la citation. C'est lui qui est en vous. Dis-moi que Satan peut prendre possession. Il va vous faire croire n'importe quoi. Il vous montrera tous mes défauts. Ça, il peut vous en montrer. J'en ai beaucoup. Eh, frère Brana. Il avait beaucoup de défauts. Tu avais beaucoup de défauts. Et toi aussi, tu en as beaucoup. Toi frère, toi sœur. Hein? Et il a dit, quand je vous dis de sortir des milieux de Babylone, Nous devons nous les dire, non? Chaque église a ses défauts. Mais il faut que la parole nous taille. Nous enlever ses défauts et nous rendre la parole. C'est pour ça que nous venons chaque fois à l'église. Ce n'est pas pour nous maintenir dans le mal, mais c'est pour hériter la perfection. C'est pour que la parole nous montre ce qui ne va pas, et que nous puissions nous repentir de ce mal, et que nous puissions nous adapter à ce qui est parfait. Que nous puissions nous améliorer chez mes frères. Le diable, quand il prend possession, il fait faire croire à quelqu'un n'importe quoi. Et il vous montrera tous mes défauts. Ça, il peut vous en montrer. J'en ai beaucoup. Était-il Dieu? Dieu a-t-il des défauts? Jésus-Christ a-t-il des défauts? Lui seul est le juste et le parfait. Tout le reste sont des pécheurs sauvés par Dieu. Vous trouverez un défaut ici ou un défaut là-bas. Il a dit, j'en ai beaucoup. Mais regardez surtout pas ça. Parce que si vous regardez ça, vous ne pourrez ni me croire, ni avancer avec votre Dieu. Mais défaut risque de devenir un obstacle sur votre chemin. Je commence à dire, mais lui-même, dont je croyais qu'il était spirituel, je suis meilleur que lui. Je le dépasse beaucoup. Et avec ça, tu ne peux plus progresser. Donc la parole veut t'amener à la perfection. Et regarde surtout pas ses défauts. Regarde à la parole. Ce qu'elle te dit de faire, fais-le de toute ta force. Écoutez. Mais ne regardez surtout pas ça. Ne regardez pas ça. Je suis un homme. Voyez, mais souvenez-vous, cette parole de Dieu est la vérité. Et je me force d'aligner ma vie. Toi aussi, malgré tes défauts, toi, tabernacle chrétien, aligne-toi sur la parole. Et si quelqu'un vient, pendant que tu es aligné à la parole, lui trouve que c'est un défaut. Alors attention, monsieur, laisse-le tranquille. Continue ton chemin avec toi. Il doit appeler défaut ton obéissance à la parole. Laisse-le tranquille. Continue ta marche avec posture. Pas éclairé, là où il est encore dans les ténèbres. Avant, se dit mieux que Dieu t'a éclairé. Tu crois vraiment? Écoutez, j'aimerais apprendre ceci. Dans les sermons, l'ordre dans l'église. Du 26 décembre 1963, et aussi le paragraphe 36. Oh, Frère Branham dit ceci, l'ordre de l'église. Maintenant, je crois que cette heure-là est arrivée pour le Branham tabernacle. De savoir utiliser ces dons que Dieu nous donne. De telle sorte que Dieu puisse nous confier quelque chose d'encore plus grand. Qu'est-ce que nous possédons déjà? Quand nous savons utiliser correctement ce qu'il nous a donné, mettre cela à la parole, garder cela dans l'obéissance par la vérité, Dieu peut nous donner plus que ce qu'il a déjà. Avez-vous confiance que nous savons utiliser correctement le ministère que Dieu vous a donné, les dons que Dieu a déjà donné? Nous les utilisons toujours correctement. Cela fera que Dieu nous fasse encore plus confiance et il va nous ajouter de nouvelles choses et nous donner davantage que ce qu'il y a déjà. C'est pour ça que nous devons toujours aimer nous corriger, nous améliorer, mais toujours travailler à la perfection. Travailler de manière à être agréable à Dieu. Ok. Mais, nous ne pouvons pas continuer. Et vous voyez, un homme à qui l'on doit constamment répéter et tout, on doit toujours répéter constamment les mêmes choses. Appliquer Matthieu 18 quand tu vois ton frère commettre le péché. Tu n'arrives pas à appliquer Matthieu. Mais comment tu vas progresser? Chaque fois, tu retombes toujours dans les mêmes erreurs. Je te donne l'occasion d'appliquer Matthieu 18. Mais tu ne peux. Et on doit te répéter tout ça, la même chose, Matthieu. Tu vois ton frère péché, mais tu n'as pas le courage. Allez, le plan, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, disent les écritures. Quand vous voyez un homme que vous devez corriger, ou une femme, et que cette personne ne reste pas à sa place, tandis que vous lui dites la vérité selon les écritures, alors cela montre que l'esprit qui est sur lui n'est pas de Dieu. C'est pas assez clair, hein? Les amis, dans ton exercice de discernement spirituel, pour savoir si un esprit est de Dieu ou pas, oui. Il est ceci. En fait, quand vous voyez un homme que vous devez corriger, ou une femme, et que cette personne ne reste pas à sa place, tandis que vous lui dites la vérité selon les écritures, non pas vous lui présentez vos opinions, vos manières de voir, vos sentiments, votre désolation, vous apportez à cette aimable personne les écritures, la vérité biblique. elle ne veut pas rester à sa place. Cela montre que l'esprit qu'il y a dans cette personne n'est pas de Dieu. Là, vous êtes fixé et avancé. N'est-ce pas que c'est amen? Soyez fixé et progressé. L'esprit qu'il y a dans cet homme n'est pas de Dieu. Parce que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. L'esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ. L'esprit de Dieu est soumis à l'enseignement de la Bible. Si il est dans un homme, dans une femme, il se soumettra à la vérité. Et l'esprit qui ne se soumet pas, c'est justement l'esprit qui n'est pas de Dieu. Malheureusement, la main est forcée parmi vous. Vous entendez ça? Vous ne dites pas la main qu'il faut dire. La main. Oyoki, n'étiez pas le colomoutou. L'obé le soussou, au côté à tembé la parole. Bakoye la correction, au bani vous discutez. Ok, on m'a dit ma soum kaka yangaï. Yangaï n'est sa kasuka. Kaka ma ben yangaï. C'est quel globé là là? C'est quelle manière de se comporter devant la vérité? Quel est l'esprit qui est en vous là? Qui se met à faire le globé là? Quand on lui présente la vérité de la parole, c'est quel esprit? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça peut être un esprit, nous ne sommes pas dans... nous ne sommes pas contre. Ça peut être qu'un esprit, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça peut être qu'un esprit qui entre aussi en transe. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. On reconnaît l'esprit de Dieu par les tests de la vie. L'esprit de Dieu se soumettra. Il s'humiliera. Il reconnaîtra la vérité. Amen. En effet, la Bible dit que les esprits des prophètes vous le faites de prophétiser. C'est-à-dire témoigner, prêcher, parler en langue, ou quoi que ce soit. Parce que les langues, lorsqu'elles sont interprétées, sont des prophéties. Alors, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et la parole et le prophète. Les esprits des prophètes, c'est ceux qui prêchent, c'est ceux qui témoignent, c'est ceux qui parlent en langue, sont soumis à la parole. Ils doivent se soumettre à la parole. Quand ils ne se soumettent pas, il n'est pas de Dieu. Ainsi nous voyons que c'est un désordre pour un homme où il va se lever brusquement et de donner un message. Importe combien ils ont l'envie de le faire. Pendant que le prédicateur est à la chaire. C'est un désordre. Et cette vérité, il faut aussi se soumettre. Commencez par dire, oh, il étouffe les dons. On maquise, moi, dit ça. On a dit Branham de la même chose. Il étouffe les dons. Le pasteur David étouffe les dons. Il a pardon, il a une église, mais il étouffe à gros caca. Il est étouffé. Il a ma condition, mon ma tata. Il dit ça, ma condition. Maintenant, pour être bon et ça, là, oui, il faut boyer. Mais tout ça, c'est la parole. On vous présente de la parole, vous commencez à dire, et ça m'attaque. Ça veut dire que les esprits qui ont mis qui ne peuvent pas reconnaître la vérité, qui ne veulent pas se soumettre à la vérité, ne sont pas de Dieu. Nous avançons avec la vérité. Qui aime la vérité? Moi, je l'aime sincèrement. Je l'aime et je la garderai. Je ne me fierai pas au dire des gens. Oh, qui le raconte ceci ou qui raconte ça. Écoutez, parlez pratique. Et le pasteur doit faire de même avant de venir devant l'auditoire. Il doit prendre la Bible et étudier dans la tranquillité de son bureau par l'esprit et être loin pour venir parler devant l'auditoire. S'il ne le fait pas, il sera désorienté lorsqu'il se présentera là. Que chaque homme et chaque femme ayant un don spirituel vient devant le Seigneur et vu que le pasteur a un ministère individuel, il est un prophète. Et le mot anglais preacher, prophète. Que veut dire prophète? C'est celui qui apporte la parole. Hier, vous devez recevoir la parole. Okay, vous devez pas commencer à murmurer contre la vérité. On a étouffé nos dons. On ne veut pas qu'ils opèrent. Vous voulez que même les désordres opèrent. Les promesses soient tolérées. Les démons en jubilé se récréent. On les met n'importe quoi. Non, quand un message est faux, nous allons censurer. Donc, parlez-la. C'est ce que la parole a dit de faire. Nous allons apporter la parole à cet esprit-là pour l'amener à s'incliner devant l'autorité. Tous genoux doivent fléchir devant l'autorité. Comment s'appelle la parole de Dieu? Devant l'autorité de la parole, pas de négociation. Ok, Mupangi, Amen. Amen. Ok, Kosala Kata, jamais plus. Nous serons heureux d'avoir gardé la parole. Au Monica, depuis va pas mais la donwana et ça le résoute. Tout ça, et ça ne pas extrémisme à passer. Vous allez vous prendre un gars pour moi pour la Alinga coule tout fa kabadon. Pourquoi que cela qu'il y a mon gars dans la don, le coup t'en a yo. Nous prêchons pour que Dieu manifeste les dons. Et les dons authentiques et parfaits. Amen. Dieu qui a écrit ça, il vient avec nous pour le faire. Il est capable de confirmer la promesse. Tenez-vous tranquille et confiance. Personne ne peut étouffer le fait. Nous n'avons pas ce pouvoir. Il est l'esprit du Tout-Puissant. C'est Dieu qui va nous dominez nous par sa vérité. Et les dons de prophétie doivent être exercés selon l'analogie de la foi. Va commencer à amener les gens à des pratiques concrètes, à l'enseignement de la parole qui sont restées. Voyez. Comme par exemple, nous on croit que le salut c'est par grâce. Mais quelqu'un viendra, oh alléluia, alléluia, voici l'onction, voici ce que dit le Saint-Esprit. Frère un tel, pour que tu sois sauvé, amène une dame jeune de verre au passé. Mais moi, je ne fais mon bâtiment. Et vous voulez que David laisse ça passer. Je ne fais pas mon bâtiment. Je ne fais pas mon bâtiment. Amen. Oh non mais il était sincère, il était consacré. Je suis témoin, il a gêné trois jours après le ministre de ces gens-là. Il faut encourager la bonne volonté. La parole nous montre, ce n'est pas par les c'est par grâce que vous avez dit au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce ne point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est ça la vérité. Nous devons les censurer. Nous devons les discipliner. Il faut les dénoncer. Nous devons les chasser même. Et le croyant doit s'incliner. S'il ne le fait pas, c'est que lui-même peut être un démon. Donc au lieu de laisser les démons qui en lui être exposés, le but accroche au démon, il prend la position du démon pour s'opposer à la vérité. Lui-même doit être un démon. Avoir dehors comme ça, ça peut être après l'imprès. Spirituellement parlant, il faut discerner un démon. Judas, au dehors comme ça, c'est un frère. Mais spirituellement parlant, il était quoi? Il a fait de bonnes choses. Hein? Il a prié pour les lépreux. Il a prié pour les morts. Les morts sont ressuscités. Les lépreux étaient purifiés. Il a chassé les démons. Mais spirituellement parlant, lui-même était un démon. Oh mes amis, pourtant il était un père de famille. Il était marié. Judas était marié. Père de famille, mais un voleur dans l'église. Tout un papa des gens, mais voleur. Il vole. Papa Judas. Tata Yuda. Alors, la Bible a annoncé sa malédiction. Que sa maison soit déserte. Qu'un autre homme prenne sa charge. Et que sa descendance soit mendiante. C'était déjà écrit. Banajida Mawatro. C'était déjà écrit la malédiction. Que sa maison soit déserte. Qu'un autre prenne sa charge. Et que ses enfants mendient l'herbe. Les enfants de papa Judas. Le maître d'un papa qui est un démon. Est-ce que ça peut exister aujourd'hui? Judas était aussi un frère dans une église. Il y a des frères qui sont dans des assemblées qui dans leur foyer sont des vrais démons. Savez-vous ça? Ils peuvent venir même ici. Mais chez lui à la maison, il est un démon. Le discernement. Nous devons discerner l'esprit, non? Nous devons discerner l'esprit, n'est-ce pas? Maître Lemabé, Yende Wana, Azakande, chien méchant. Méfiez-vous des apparences. Nous devons discerner l'esprit. Et dans les sermons, le discernement de l'esprit, reprenons ceci, discernement de l'esprit. C'était prêché le 8 mars 1960. Alors, je veux lire d'abord quelque chose ici, au paragraphe 45, la dernière partie. Nous avons le discernement d'esprit pour discerner l'esprit qui est dans l'homme. Pour voir si c'est l'esprit de Dieu ou non. Qui dit amen? Maintenant, qui parmi vous possède le discernement de l'esprit? Lève-les. Celui qui sait, qui l'a ça en lui. Il a cette capacité par la grâce de Dieu de discerner l'esprit qui est dans un homme. Dans un humain sont semblables. Lèvez les doigts. Je ne parle pas du don du discernement des esprits. Je parle du discernement de l'esprit singulier. Et tout chrétien est censé avoir. Qui a cette capacité? Un seul doigt. Donc tout le reste ici, vous ne pouvez pas discerner l'esprit. Mais là, je suis en danger. Toute l'église. Tout cela, vous êtes incapable de discerner l'esprit. Vous avez ma coquille à côté de la monnaie. Vraiment, mon gros tawa est opéré. Pourquoi y est battu sur les démons? Mais alors, mais comment tu saurais ces démons? C'est pas un discernement, non? Alors, ceux qui reconnaissent qu'ils peuvent discerner un esprit. Vous avez dit, mais vous avez de personnes. Ah, je vous dis, heureusement, les boucliers commencent à se dresser. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frères, 7 frères, une sœur, 2 sœurs. Ah, c'est bien. Merci. 7 frères, 2 sœurs, ça fait encore 9. Les 9 qui m'ont promis de répondre au devoir. C'est encore 7 frères et 2 sœurs. J'ai déjà une particulière réponse. Nous allons corriger. Nous allons corriger par la grâce de Dieu. C'est un devoir, nous allons corriger. Alors, bien aimé frère, pourquoi est-ce que Dieu nous donne le discernement d'esprit? Le message est clair. Nous avons le discernement d'esprit. Pour discerner l'esprit qui est dans l'homme. Pour voir si c'est l'esprit de Dieu ou non. Mais déjà quand ce soir on vous dit un esprit qui s'oppose à la vérité n'est n'est-ce pas que par ces gens de une capacité on dirait naturelle mais elle est spirituelle un esprit par ses attitudes n'est-ce pas que chaque enfant de Dieu qui entend ceci et qui respecte cela deviendra capable de le faire sans qu'il ait besoin d'avoir le don spirituel du discernement des esprits. Parce que là, c'est une manifestation particulière. Il s'agit de la capacité que Dieu nous donne. Comme Dieu a dit dans 1 Jean, nous ne cesserons pas d'insister. 1 Jean 4:1, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Pour savoir qui sont des gens. C'est ça, frère. Il nous faut en arriver là. Écoutez dans l'exposé de cet enfant. Il a dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans l'exposé de cet enfant d'église, le chapitre 9, page 321. La deuxième pensée qui doit être gardée dans nos cœurs, c'est que les 7 âges de l'Église ont commencé avec l'esprit de l'Antichrist, aussi bien qu'avec le Saint-Esprit. L'histoire des églises chrétiennes a commencé avec un double aspect au plan spirituel. Il y a eu d'un côté le Saint-Esprit. Et il y a eu à l'opposé l'Antichrist, l'Esprit de l'Antichrist. Et les deux ont évolué côte à côte. Jusqu'à présent. Dans les milieux religieux. Dans les milieux chrétiens. Et dans les milieux du message même. Ces esprits cheminent ensemble. Cette pensée ne l'oublie pas. Il ne faut pas te mettre en tête que quiconque a une brochure spirituelle. Il est de l'esprit de Dieu. Loin de là. Les deux esprits sont dans le même milieu. Retenez cette pensée. C'est pour ça que le discernement spirituel est nécessaire. La deuxième pensée qui doit être gravée dans nos cœurs, c'est que les 7 âges de l'Église ont commencé avec l'esprit de l'Antichrist, aussi bien qu'avec le Saint-Esprit, qui doit être béni à jamais. Le Saint-Esprit doit être béni à jamais. Mais l'esprit de l'Antichrist doit être maudit par lui. Nous ne pouvons ni les supporter ni les tolérer. Sa présence est indésirable. C'est dans ce contexte, après avoir dit ça, Il y a encore ici L'épreuve Branham nous ramène à 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir qui sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Avez-vous remarqué? L'esprit de l'Antichrist est identifié au faux prophète. Pouvez-vous le remarquer aussi? L'esprit de l'Antichrist est identifié au faux prophète. Les âges ont débuté avec des faux prophètes et ils finiront avec des faux prophètes. Qui voit encore ça? Prenez conscience. Les sept âges de l'église, quand ils ont eu à débuter, c'était avec des faux prophètes. Et les faux prophètes étaient le reflet de l'esprit antichrist. Comment les sept âges vont-ils finir? Comment le septième âge est-il en train de finir? C'est avec des faux prophètes. Et que représentent ces faux prophètes? C'est l'esprit de l'Antichrist. Ce n'est pas du tout l'esprit de Dieu. Pas du tout le Saint-Esprit. Mais l'esprit de l'Antichrist. Que Dieu t'aide à ne pas succomber dans les temps. À ne pas tomber sous la coupe de faux prophètes. Ce sont des faux enseignants. Ils vous enseigneront des faussetés et vous enseigneront à la perte. Bien sûr, il va y avoir un vrai faux prophète. Ce n'est pas un vrai prophète, mais le vrai faux prophète. En tant que faux prophète singulier, qu'on appelle non pas le faux prophète pluriel, mais qu'on appelle le faux prophète. Et de lui, il est question dans Apocalypse chapitre 16. Je vais juste vous donner l'idée de cela. Apocalypse 16, verset 13. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète singulier. Trois esprits impurs, la Trinité, semblable à des grenouilles. Avez-vous remarqué? Il y a eu trois esprits impurs. Ils sont sortis de la bouche de qui? Du dragon, qui est Satan. Et de la gueule de la bête. La bête, vous connaissez que c'est un empire, une puissance. Qui est le catholique. Et du faux prophète. Le faux prophète. Le vrai faux prophète. Le chef du catholicisme. Le numéro un, la tête du catholicisme. Comme je vous ai dit mercredi, le pape qui décide là et tout ça. Encore comme ça, on peut les appeler nos frères. Ils ont tous l'apparence des chrétiens. Ils parlent avec douceur. Ils sont très gentils. Mais spirituellement parlant, c'est l'Antichrist. N'est-ce pas qu'on avait dit qu'on ne doit pas juger, connaître les gens selon la chair? Judas, selon la chair, il était un frère. Il était même un apôtre de Jésus. Il a fait de bonnes œuvres. C'était un frère. Il était un parent, un père de famille. Spirituellement parlant, c'était un frère. Il a gardé l'église, il était très fidèle. Spirituellement parlant, il était un témoin. Mais Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai dit, mais l'un de vous est un démon. Et c'est ça la vérité. On ne doit pas se limiter à connaître les gens selon la chair. Allez dans la dimension spirituelle. Que le discernement vous vienne en aide. Vous verrez qui est qui. Que Dieu peut vous révéler qui est qui. Une révélation convaincante et scripturaire. Avec des preuves bibliques à l'appui. Sentiments sensationnels. Une vérité fondamentale. Que vous êtes révélé. Vous saurez que Dieu existe et Dieu vient en aide à ses enfants. Vous voyez ce faux prophète? Il est en étroite relation avec les dragons. Et le diable, le serpent ancien, Satan, séducteur de toute la terre. Et l'accusateur de nos frères. Le même faux prophète, c'est celui qui s'asseyait sur la bête. La bête qui avait sept cornes. Non, qui avait sept têtes et dix cornes. Là, dans Apocalypse 13, et dans Apocalypse 17, cette bête-là, il y a quelqu'un qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus, il est le faux prophète. Et c'est de ce faux prophète-là, c'est la citation que nous lisons ici. Bien sûr, il va y avoir un vrai faux prophète dans tous les sens du terme. Cet homme pose les questions dans l'Apocalypse. Je venais de vous lire même le verset. Mais pour l'instant, avant que ce dernier soit révélé, faut qu'une révélation dévoile qui il est. Beaucoup de faux prophètes doivent apparaître. Pour l'instant. Donc avant que celui-là dont nous parlons soit clairement connu du monde, que maintenant là c'est quelque chose qui se communique entre les disciples. Les disciples de Jésus, les élus de Dieu. L'Antichrist est là-bas au Vatican. Un groupe restreint. Qui en parle aussi rarement. Mais il vient un temps où cet homme sera dévoilé au grand public. C'est ce que la prophétie prévoit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le discernement est nécessaire. Il est dit ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Commençons au verset 3. Et descendons jusqu'au verset 12. Rappelez-vous des prédications de Paul. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, c'est-à-dire avant le retour de Christ. Et qu'on aille vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Êtes-vous là? Y a-t-il déjà eu un fils de la perdition au temps de la Bible? Au temps des évangiles. Y a-t-il déjà eu un fils de la perdition? Quel était son nom? Judas. Était-il un païen vulgaire ou un religieux d'église? Mais maintenant, ici, quand la Bible annonce encore l'avènement d'un fils de la perdition, où allez-vous les trouver? Chez les communistes? Les athées? Vous ne pouvez pas l'antichrist? Cherchez-les dans les milieux chrétiens. Tout à la maintenant, tout à l'abus. Voix pillée. dans les milieux chrétiens. Nous devons nous dire, où est-il? C'est de ça qu'il est question. Fils de la prédiction. Dans Jean 17, Jésus a dit, Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as dit. Fils de la perdition. Il parlait, lui, Jésus, dans cette prière. Il parlait de Judas. Il était membre de l'église chrétienne. On voit les prédicateurs. L'antichrist. Un superman qui va venir. Il allait attention avec le russe. Peut-être même Vladimir Poutine. Ça, c'est pour aveugler les gens. Vladimir Poutine n'a rien à voir avec l'antichrist. Tenez-vous tranquille. L'antichrist est dans le milieu chrétien. Le vrai faux prophète. Le faux enseignement par excellence. La Trinité. Trois personnages. Le chef de cela. Le numéro un. Le meilleur défenseur de ça. Lui, le faux prophète. Le chef de tous les faux prophètes. Il les inspire, il les aide même. Méfiez-vous de tout ça. Donnez-nous-en à la parole. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Amen. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir où? Moi je pensais qu'il allait s'asseoir en Russie. Ou qu'il allait s'asseoir au Kremlin. Il s'assoit dans le temple de Dieu. Le temple se trouve dans les milieux chrétiens. Les chrétiens du commencement, ils étaient chaque jour à Philippe. Et nos corps sont les temples de Dieu. Là où l'antichrist, le faux prophète, l'homme impie, à son trône, dans ces milliers-là, n'allez pas les chercher parmi les athées, ou les communistes, ou parmi les bouddhistes, loin de là. Là où il y a le temple de Dieu. Là où l'on parle du temple de Dieu. Parmi les gens qui parlent du temple de Dieu. Et c'est ça qui va les faire dévoiler aux yeux de tous. Ne vous souvenez-vous pas que je vous parlais de ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse dans son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Zambi ndio na lufungu wewe ejali na ino kosala mosala kasi bobele kino mopekisi alonga. Qui est celui-là qui l'empêche encore? Non, non, d'aller copier ça encore. C'est le Saint-Esprit qui opère dans l'église. Vous allez d'aller copier la carte, une pièce dans l'ibala. Quand est-ce qu'il va disparaître? Tant qu'on est colombo. Dans l'église, vous serez dans l'église. Tant que pièce dans l'ibala est connue la main. C'est alors que les basques vont tomber. Nayango, non, ce que ce que nous disons là aujourd'hui, c'est que la parole. Le monde entier s'est tourné là. Je vous mets au mais comment on peut le faire après jour? Oui, ça va arriver à ce point-là. Et le pape ira à Jérusalem. Retenez ça. Vous qui allez rater l'enlèvement, vous vivrez cet événement. Le pape ira à Jérusalem. Il entrera dans le temple que les Juifs vont reconstruire. Et il va se proclamer Dieu et il se fera adorer là-bas. Vous qui serez enlevé, dites amen. Vous verrez ça de vos yeux vraiment. Vous serez témoin, hein? Mais vous serez la proie de la grande tribulation. Vous la penza mon son diabolo. Soko lingi, hein? Omi lingi. Salanion soko rata l'enlèvement. Amen. Et pour ne pas rater l'enlèvement, il faut le saut du Saint-Esprit. Nakati Eli monayo. Saut du Saint-Esprit. Dans l'âme. Et côté femme. Zambati andaga. Wanande usimiga na loboko toki. Amen. J'ai été fait conducteur pour ça. Amen. Salama kina sala mutambo sikuna. Ndai mokote. Je sais. Il y a des vainqueurs. Il y a des balongi hawa. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Amen. Avançons. Okay, dans le bosso. Avançons. Prenons au sérieux les choses de Dieu. Ndona yongi makamo na Zambe. Et alors, quand il aura disparu, verset 8, bon, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Bongo motana lofundu akomona na polele yeo yonkolo Yesu akoboma ye na pema na monoko na ye pe akobebisa ye nye wana akomona na ye na tango ekoya ye koyana ye motana lofundu ekozala mpona mosala na Satana, mosala na nguya yonso pe na bilembo mpe na bikanisi na lokuta et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bongo Nzambe azali ko kindela bango nguyana ko pendisa po na pondimisa bango lokuta ete bango yonso bakoisami baoyo bandimi makambo na solo te kasi basepeli kati na mabe. Êtes-vous là? Vous allez voir, comme disait Frère Branham dans les sceaux. Quand l'église monte, Satan descend. Quand l'église sera enlevée, Satan sera précipité sur la terre. Il va tourner ses yeux, chercher une adresse. Où est-ce qu'il va aller trouver son piège? Vatican. Kuna, à côté de la cathédrale Saint-Pierre. La basilique Saint-Pierre, Kuna. Alors qu'il va payer, Moussa et Kotiwan. Aïe, à côté. Au cause du pouvoir mondial, c'est quoi? Au cause de la gnose, on a besoin de ça. Et alors? Bongo. La terre sera invivable. Wana mabele ko zanga makokia kubika na mabele huyo. Cet homme là qui s'appelle pape. Moto wana benga mi papa. Qui a un cœur d'homme. Azala motema ya moto. À ce moment là. Atango wana. Il recevra un cœur de bête. Akuyamba motema ya nyama. Comme ce fut le cas avec le roi Nebuchadnezzar. Loko lezala kina mokonzi Nebuchadnezzar. Le roi babylonien. Oui, à Babylone kuna. Un cœur bestial lui sera donné. Motema ya nyama ekopesa pekaye. commettra, dit la Bible, la prophétie, il commettra les choses les plus abominables. Des choses extrêmement abominables. Jusqu'à ce que la ruine fonde sur les débats. Avec un cœur cruel. Étant incarné par Satan en personne. Et il sera la tête du gouvernement mondial. Quiconque pourra s'opposer sera zigouillé. Boycotté. Il n'aura ni les droits d'acheter ni de voyager. Même pas de voyager. Au visa, billet d'avion, pas question. Tu arrives au marché, tu ne peux pas acheter. Tu as tes articles, personne ne va les acheter. Écoutez, frère. C'est ce que vous voulez dire. Quand ce dictat va s'opérer dans ces choses sont à la porte. Ne soyez pas venus. Toutes les machines sont en train d'être mises en place. Rien ne va empêcher ça. Ça va s'imposer. Pendant qu'il est temps, cherchons le royaume de Dieu. Répentez-vous. Croyez l'évangile. Croyez le message. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre dimanche de vous. Mettons-nous debout. Obeki senanga mwanana zambe na lele menge le pasana yo obatelanga obeki senanga pasi nanga nyosa ekosila. Mobeke se nangai kolomanat Ungai na lele mingi Leposo na yo Obate langa Ise nanga Pashi nanga Nyosa eko sila. Yala baki isenga okozoa Tolo baki loka akamana Aya akabeta bako kangwela ye Monoko yandaka nayena likolo. Yala baki isenda okozoa Yolo baki luka akamana Aya akabeta bako kamela ye Monoko yandaka nayena likolo. Prions chacun. Nous venons te remercier pour ce moment que tu nous as accordé. Pour l'évangile qui a été proclamé. La parole de vérité. Que nous aimons et que nous croyons. Dans laquelle nous avons trouvé de bonnes choses. Car tu as dit que écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Vous délecterez de mes succulents. Toi le Seigneur tu es bon pour nous. Bon pour nos âmes. Et ton évangile est si bon pour nos âmes. Comme il a été pour les saints d'autrefois. Pour Paul et Silas. Pour Liam Branham et les autres. Il est si bon pour nous aussi. Réveille-nous de tout sommeil. Donne à chacun du vrai discernement. Le discernement d'esprit. Pour discerner l'esprit qu'il y a dans l'homme. Oh Seigneur. Et savoir s'il est de Dieu ou non. non plus continuer à connaître les gens selon la chair, mais chercher à les connaître dans la puissance de la révélation, selon Dieu, spirituellement. Ô Père, exauce-nous. Chacun vient de s'adresser à toi en accord avec la parole prêchée. Exaucer sa prière. Chacun s'examine. Il est servi dans le miroir de la parole. Où des fois nous sommes en train de dire du mal. Mais regardez au mal du prophète. Pour le mal de tel frère là-bas. Pour notre frère ici. Qui nous a appris les bonnes manières. Ne nous laisse pas tomber dans les pièges. Sors-nous de toute tentation. Que nous soyons plus que vainqueurs. Quand tu as promis la victoire. Oh, sois notre soutien tout le temps. L'inspirateur et les secours. Je t'ai confié l'église. Pour que tu la nettoies. De Pour chaque frère, ou que tu les débarrasses, car la parole a le pouvoir de faire ce que tu veux. Rends-nous parfaits. Et donne-nous des dons parfaits. Qui descendent d'en haut, Seigneur. Nous opérerons selon la vérité. Par des esprits soumis à la parole. Sois notre secours tout le temps. Pardonne nos erreurs, nos fautes, nos iniquités. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus. C'est celui que nous comptons plus, Seigneur. Il est l'agneau rédempteur. Le sacrifice expiatoire. Sois le secours pour chacun. Prends soin de nous, Seigneur, toute la nuit, tous les week-ends, chacun soit dans ta présence. Vivre les merveilles de Dieu, témoigner de ta bonté. Tu es en train d'agir encore puissamment. Tu continues à faire des œuvres parmi nous. Des témoignages existent dans la simplicité. Que ton nom soit adoré. Glorifie-toi, le Dieu fidèle. Je ne périsserai pas les tiens. Que tu les soutiendras jusqu'au bout. Que ton nom soit sanctifié. Viens exaucer nos prières. La chaîne de prières de ce monde. Et honorer tes enfants fidèles. Ils ont répondu présent. Ils tiennent à cœur l'œuvre de Dieu. C'est le plan de la construction de l'église. Et aussi la bénédiction d'Israël. Reste avec nous tout le temps. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre force indispensable. Et notre guide. Au nom de Jésus-Christ, nous offrons ces prières. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse richement.